Vous venez vous détendre? Installez-vous et vous et vous et vous et vous et profitez avec Kultenbeek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission numéro 5 de la saison 4 de Kultenbeek avec un joli jingle qui a bugué d'entrée. La saison 4 de Kultenbeek, l'équipe cette semaine, laissez-moi vous présenter celle qui a fui le Japon à l'approche du typhon, elle avait peur de la pluie, c'est bien sûr Renata. Bonjour Rémi. Bonjour Renata. À côté d'elle, il y a bien sûr Maëlys qui trouve les infos au dernier moment, c'est bien sûr notre spécialiste What the Fuck, Maëlys, bonjour. Salut, je voulais te couper en plein milieu du jingle pour te mettre la honte, mais alors, échec. Tu n'as pas réussi malheureusement. T'avais pas coupé les... Si, t'avais coupé les micros, pardon. Oui, wow. Bah, je suis malin quand même. On est fatigué. Et puis, enfin, on n'est pas plus nombreux, mais nous avons un invité de marque aujourd'hui. L'insolent, le blagueur, le qualitatif, et bien sûr celui qui vous met de la musique, des guignols dans la tête, c'est bien sûr le youtubeur Nalfane. Bonjour Nalfane. Bonjour, et oui, je suis l'insolent. L'insolent, le qualitatif. L'insolent. Il y a tellement d'ASMR. D'ASMR aussi, oui. Je pense qu'on peut le qualifier comme ça. On est parti, top départ de l'heure au programme. Donc, le What the Fuck de Maëlys, l'instant nippon, le top ou flop, le qu'est-ce que c'est, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de Nalfane. Il y aura bien sûr le vrai ou faux et d'autres surprises. Mais tout de suite, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine, c'était la guerre. Sur Twitter, le hashtag boycott Blizzard est arrivé subitement suite à une prise de position dans les affrontements à Hong Kong par un joueur du tournoi Hearthstone. Des milliers de personnes ont désinstallé Battle.net. Une pensée à toutes ces personnes qui devront se retaper l'installation de tous les jeux une fois la polémique tassée. Sur Facebook, c'est un tout autre hashtag qui a fait parler, c'est celui du hashtag boycott EuroCosplay suite à l'exclusion de la cosplayeuse représentant la France au concours pour cause de cosplay raciste. Alors qu'il s'agit simplement d'un déguisement fidèle au personnage, là aussi une affaire immonde montrant simplement la supériorité de la France dans le domaine du cosplay. Une chose est sûre, aujourd'hui on ne se fait pas que des amis. Sur Twitter, ce mercredi, il était en top tweet, on pouvait trouver le hashtag un message pour mon ex. La palme d'or des messages absurdes revient donc à Véronica qui dit, je cite, t'es comme le G de gnocchi, tu sers à rien. Alors après étude, si on retire le G de gnocchi, on obtient gnocchi. Donc le G est effectivement utile. Toutefois, on te remercie Véronica pour ta participation. Et enfin, si avec un peu plus de légèreté, sachez que Norbert, ancien fan de Google+, a désormais 3 relations sur LinkedIn. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec cette citation, quand le schizophrène, il ralentit. Kultenbeek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Kultenbeek. Et ça, c'est pas commun, on est actuellement en live sur Twitch et vous êtes 22 à nous regarder avec plein de gens qui réagissent à l'arrivée de Nalfane et ça, c'est vraiment, vraiment pas commun. Je crois qu'il y a mon coup de cœur de cette semaine qui vient de nous follow. Voilà. J'en dis pas plus, vous en saurez. Pardon ? Ah ouais. Non, vous c'est en pas mal. Saurez plus juste après. Pas mal, pas mal. Nalfane, tu es avec nous pour le premier jeu, le vrai ou faux. Alors, je t'explique rapidement les règles et même pour ceux qui viennent de connaître l'émission, l'existence de cette émission. Le vrai ou faux, j'ai des affirmations. Vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ça porte bien son nom. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis un peu resté bloqué sur le schizophrène qui ralentit. C'est moi qui l'ai écrit. Mais vas-y, moi je suis prêt, toujours. Très bien. Les filles, Radie aussi. Ouais, elles répondent pas pour me faire chier. D'accord. Donc vrai. C'est notre truc ça. Vrai ou faux, une dame aux USA a enregistré sur cassette toutes les émissions de toutes les chaînes de la télévision des États-Unis seulement de 1977 jusqu'en 2012. Vrai. Vrai pour Maëlys. Bah va pour vrai aussi, mais cette dame elle avait rien à faire de sa vie en fait. Vrai là, pour Renata. C'est une retraitée. Toi, pour Nalfane. Bah toutes ces semble... années là, c'est fou. Hein. Ça me semble tellement absurde. Ouais mais c'est les États-Unis. Ouais ils sont capables de tout, je veux dire vrai. Vrai aussi. Eh bien c'était vrai, effectivement. Wow. Et sachez-le, ça représente plus de 71 000 cassettes. Qui c'est on sait pourquoi. Non. Pour une collection. On sait pas du tout. Par contre, si ils aiment bien collectionner là-bas. Petite information, ils sont toujours en cours de numérisation hein, depuis 2012. Sachez-le. J'avoue, je crois que j'avais déjà lu l'info. Vrai ou faux, la princesse Zelda s'appelle ainsi à cause d'un film nul sorti en 70 au Japon. C'est totalement faux. Ah, on a un faux pour Nalfein. Est-ce qu'on a un vrai quelque part? Non, pour moi c'est faux, j'ai pas entendu cette nouvelle-là. Hein. Je croyais pas non plus. Tu croyais? C'est-à-dire que tu crois? Parce que tu croisais beaucoup. J'ai pas dit croiser, moi. Attention. Ouais, allez dire faux. Je vais dire faux aussi. Eh bien, en fait, c'est faux, effectivement. Elle est nommée ainsi pour rendre hommage à la romancière américaine Zelda Sayer. Ah. Tout ouais. simplement. C'est toi qui écris les questions? Oui, c'est moi, pourquoi? C'est de la merde. Non, incroyable. C'est lui qui fait toutes les recherches. Ouais. Vrai. Beaucoup trop de créativité. Ah, c'est pas ça le pire. Le pire, ça va être le top ou flop. Attends, t'inquiète. Ouais. Lui, il est pas mal aussi. Vrai ou faux, le premier appel téléphonique sur un téléphone portable s'est fait à New York par un responsable de Motorola pour appeler son concurrent direct. Oh. Ben non, c'est un test qui a été fait en laboratoire ou je sais pas quoi. C'est donc là où ils ont construit. Logiquement. Là, genre quand ils ont fait, quand ils ont c'est testé le truc. Ouais. Après, est-ce que ouais, justement, ce serait pas le test? Sauf si tu parles de la de celui qui a. Comment on dit? Vrai ou faux? Mais dès que ça part sur de l'absurdité pure, moi j'ai envie de dire vrai. Moi je vais dire vraiment. Ouais, mais des fois il fait connard, Rémi. Ah, des fois, style, ouais. Non, c'était pas là, c'était juste. Genre, Motorola, il dit mais Nissan, oui, est-ce que, je sais pas, il y a 5 personnes, qui ont genre des modèles de tout premier ordinateur, tu vois. Et en fait, non, c'est pas 5, c'est 4. Tu vois, genre des trucs la question, de merde si comme veux ça. Bien. Vrai ou faux, le premier appel téléphonique sur un téléphone portable s'est fait à New York par un responsable de Motorola qui a appelé son concurrent direct. C'était pas le responsable, c'était le stagiaire. C'était pas Motorola, c'était un autre truc. Non, ça, bah déjà, pourquoi est-ce que c'est lui qui aurait eu le premier appel? Non, moi je dis faux. Bon, faux. Moi je vais dire vrai. Pour le vrai fun. Pour Renata, faux pour Nalfein et faux pour Maëlys. Ouais. Eh bien, c'était en fait, vrai. C'est vrai. Voilà. Effectivement. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Là, on l'a tous dit, hein. Exactement. Alors, Nalfein, il y a quand même des gens qui se foutent de ta gueule sur le. Impeccable. Vrai ou faux, le film Pearl Harbor, tout le monde voit lequel, duquel il s'agit? Ouais. Non. A coûté 3 fois plus cher à tourner que la reconstruction de la base militaire après la Seconde Guerre mondiale. Ça fait penser à Pirates des Caraïbes. Pearl Harbor? Ouais, parce que Pearl Harbor. Oui, pourquoi pas, Black Pearl. C'est le Black Pearl Harbor. J'ai pas dit Black Pearl. Juste le Pearl, en fait. Black Pearl Harbor. Moi, j'ai envie de dire vrai, parce qu'il y a quand même énormément de scènes qui nécessitent du budget. Donc, on va dire vrai. Moi, j'avais entendu que ça avait été un film, effectivement, plutôt cher, ouais. Donc, Elle est en train de regarder sur Internet, là. Oui. Non, Renata, je suis en train d'aller téléphone. Sur notre chat pour pouvoir réagir. Tu vas regarder les réponses. Mais quelles réponses? Alors, moi, vrai, je dis vrai. Faux. On a vrai pour Nalfein, un vrai pour Maëlys et un vrai pour Renata aussi. Yes. Ouais. Très bien. Et bien, en fait, c'est faux. Il a coûté autant, 140 millions de dollars. Ah, autant. Tu vois, il joue sur les trucs. Tu vois, moi, je suis un petit insolent, donc je fais exprès de me tromper pour... Aucun respect pour les autres. Et enfin, le vrai ou faux, le vrai ou faux des réseaux sociaux. On répond d'abord celui de la semaine dernière. Je vous avais posé cette question. En 2001, l'entreprise Mattel a mis sur le marché un jouet pour enfants, le balai Harry Potter Nimbus 2000, qui vibrait lorsque les enfants l'enfourchaient. J'avais dit faux. Moi, j'avais dit vrai. J'avais été je suis toujours dépité, mais je suis sûr que ça pourrait exister. Je suis sûr que c'est vrai. Voilà, on est d'accord. Vous avez répondu que c'est pas les sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, vous avez voté vrai à 64% et 36% faux. Oh. Sur Twitter, vous avez voté à 56% vrai et 44% faux. Et c'est effectivement vrai. Mais alors, pour la petite anecdote, ils ont rapidement retiré l'objet du marché quand les sex shops le proposaient également pour d'autres utilisations. Ah oui, ils pensaient que c'était... Ah ouais, voilà. pour les roleplays, ça devait être bien. Putain. Oh, je suis désolée, je... On remercie Mattel encore une fois. Et enfin, et Renata pour l'image. Oui, aussi. Et enfin, le vrai ou faux de cette semaine, la chaîne CNN a tout préparé, même une vidéo de la musique « Plus près de toi, mon Dieu » en cas d'apocalypse à diffuser sur leur chaîne. Vrai ou faux? Est-ce que... C'est les États-Unis, oui. Vrai. Est-ce que tu peux répéter? Je suis pas sûre d'avoir compris. La chaîne CNN a préparé une vidéo à diffuser en cas d'apocalypse. Il s'agit de la musique avec un clip plus près de toi, mon Dieu. Moi, je pense que c'est vrai parce que en télé, ils aiment bien préparer des choses à l'avance pour être préparé en cas de toute éventualité, tu vois. Mm-hmm. Et ça m'étonnerait clairement pas qu'ils fassent ce genre de choses. Après, ça dépend aussi du penchant un peu. Niveau religion de la chaîne, je sais pas du tout où elle se place ou quoi. Ah, c'est les États-Unis, hein. Ouais. Je sais pas, mais je dirais vrai en vrai. Ouais, moi je vais dire vrai aussi. Bien, non mais c'est abusé. La réponse arrive la semaine prochaine. Voilà, ouais. Vous. Mais pouvez... pourquoi? Parce que c'est ça le concept. Parce que c'est le concept. On fait durer le plaisir. Vous votez sur les réseaux, le Facebook et bien sûr le Twitter. Et puis bien sûr mais nous. Tu sais, les gens c'est des malandrins. Hein. Ils vont peut-être pas. Ils vont peut-être aller vérifier la source. Ah mais peut-être, mais ils ne savent pas d'où je tire ma question. Ah mais je suis pas sûr que je cherche tire, pour ces vrais ou faux des réseaux sociaux, je cherche dans les coins sombres d'internet et j'en reviens souvent okay. traumatisé. En tout cas, voilà. Facebook. En attendant que vous votiez et qu'on ait la réponse définitive, on passe tout de suite à l'interview. Place à l'interview. My Cult and Geek. L'interview de cette semaine, c'est bien sûr avec le youtubeur WoW, Nelfane. Et vous vous dites sans doute, c'est pas possible. Auquel cas, eh bien, vous avez Nelfane qui aurait répondu à peu près ça. Si c'est possible avec la carte Kiwi. Voilà, je l'avais pris exactement juste pour ce moment-là. 2 secondes de bonheur. Nelfane, en quelques chiffres, c'est 27 musiques, 107 vidéos et 9000 décès suite à un fou rire. Alors, attends, mais tu dis des chiffres, même moi je les connaissais pas. Trop de travail. Alors le 9000 décès c'est peut-être inventé, mais tout le reste est vrai, j'ai compté. Combien de chansons? 27 musiques au total. Ah, j'ai vraiment rien à faire de ma vie. Sans compter c'est le il faut qu'on en parle. Tu es un créateur. Ah ouais, c'est okay. vraiment trop court ouais. pour être compté comme musique. Nelfane, du coup, alors ben bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Ça va, tu commences tes vidéos donc en disant bonjour, comment ça va, mais personne ne te répond. Alors du coup, cette fois, on peut te répondre, on va bien. C'est très gentil. Très bien. Nelfane, déjà, d'où, quand est-ce que ça a commencé, toi, pour faire des vidéos? Ça a commencé... la genèse, c'est pas cette chaîne. À la base, j'avais fait une chaîne basée sur League of Legends avec un ami. C'était courant 2017. D'accord, oui, donc c'est assez tôt au final. Ouais, mais la qualité était clairement pas au rendez-vous. Disons que c'était mon binôme qui faisait tout en termes d'entertainment. Moi, j'étais beaucoup trop renfermé, beaucoup trop réservé et timide pour faire quoi que ce soit en vidéo d'intéressant. Sous-entendu, le binôme était mauvais. Non, c'est justement le binôme qui remontait le niveau en termes d'intérêt, en fait. Parce qu'il était drôle et moi, je l'étais absolument pas. Et c'est ce qui m'a donné goût au montage, en fait. D'accord, mais à quel moment du coup tu t'es dit je vais me lancer en solo et je vais être drôle? En fait, on attend encore, c'est pas vrai. Je suis pas sûre qu'être drôle, ça a été prévu. Alors drôle, je sais pas. Bon, je vais tout expliquer. En gros, une fois que j'ai commencé à me lasser de la chaîne, etc., parce qu'on faisait plus grand chose de très très fou, j'ai pris goût à un style de montage que j'avais fait sur cette ancienne chaîne où je racontais le lore des personnages de LOL. Mais j'ai dû en faire que deux des vidéos comme ça. Et ça m'a donné envie de faire des choses sur WoW parce que c'est un jeu qui me tient énormément à cœur depuis maintenant 6 ans. Ouais, j'ai commencé assez tard comparé à certains. Ouais, il y en a un ici qui a commencé très très tôt. Oh oui. oui, sur Vanilla. T'as commencé à Vanilla toi? Oui. Ah, ok, d'accord. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une chaîne WoW où je vais mettre en pratique le montage que j'aime bien faire. Et à la base, c'était juste pour faire rire 2-3 de mes potes, quoi. Parce qu'on avait un humour très restreint. Je pensais que c'était le genre d'humour qui ne pouvait faire rire que moi et les gens très proches, étant donné que c'était assez gamin, assez trash parfois. Oui, trash, on peut le dire à certains moments. Ouais, voilà. Bah, oh non, il y a des fois où j'ai vraiment dépassé la limite, surtout dans les premières. Mais en gros, voilà, la genèse, c'est juste que j'ai commencé à faire des vidéos sur LOL, ça m'a lassé, je suis parti sur WoW, et je n'étais pas du tout dans l'optique de faire rire beaucoup de monde. C'était vraiment juste pour moi et pour me vider la tête, parce que j'avais besoin de penser à d'autres choses que... Alors tu l'avais dit dans une FAQ, il y a des mimiques, des grosses blagues que tu sors, par exemple trop bon les pieds, tu as annoncé c'était des délires que tu avais dans ta guilde et avec tes potes à la base. Bah en fait non, pas le trop bon les pieds, pas le trop bon les pieds. T'as pas regardé la bonne FAQ. Si, le trop bon les pieds, c'était sur un forum qu'ils avaient trouvé ça. Voilà. Bah voilà. C'était sur un forum, c'était pas directement là dans la guilde. Oh, c'était juste avec un seul ami en fait. On s'était perdu parce que ne nous demandez pas quel genre de choses sombres on fait parfois pour rigoler sur Internet. On s'est perdu sur un forum avec des gens très bizarres. On a tout lu. Et je sais pas pourquoi il y a ce mec qui a dit c'est trop bon les pieds, et ça nous a fait extrêmement rire. Dans la phrase, dans le contexte, c'était ultra drôle. Et du coup, je sais pas, pour faire un clin d'œil à cette soirée, des fois je balançais un trop bon les pieds complètement random dans les vidéos, parce que j'étais pas censé avoir d'autres gens qui regardaient vraiment les vidéos, tu vois. C'était plus un clin d'œil à mon pote. Et puis du coup, c'est resté, quoi. Ça devait être une erreur de frappe du gars, hein. Erreur de frappe, je suis pas sûr. Hein. Ouais, je pense pas non plus. Tu sais, il y a des gars bizarres partout. Hein. Moi, j'ai essayé de vendre une paire de chaussures une fois. J'ai un peu un malade mental qui m'a contacté. Donc, pour avoir des chaussures portées. Un fétichiste, ouais. Ouais, ça sent beaucoup. Ah ouais. Enfin, voilà, il y en a des bizarres partout. Hein. C'est peut-être lui qui avait dit trop bon. Ouais, voilà. Peut-être. Qui s'est retrouvé. Nalfin, est-ce que tu penses que ta communauté aime beaucoup tes vidéos, surtout avec Sorcro? C'est alors, la question la plus dure du monde, ça. Mes vidéos avec Sorcro. Parce que je dis juste ça parce que sur le chat, il y a 2 minutes avec Sorcro, meilleure vidéo de la chaîne, c'est Rollstar qui dit ça. Pepper qui lui reprend en disant 2 minutes avec l'honneur, tu veux dire. Donc voilà, il y a pas mal non, de... Non mais depuis tout à l'heure, il s'extasie là-dessus. C'est ça, exactement. Non. Et en fait, Nalfein, si je suis un petit peu remonté moi dans les entrailles de ton compte Twitter qui annonçait au fur et à mesure quand tu passais les caps, les 1000 abonnés, etc. Ouais, tu vois, ouais. Lui, il a aucun respect. Moi, j'ai pas fouillé, tu vois. Lui, par contre, aucun respect. Je remonte dans les entrailles du truc. Entre janvier et maintenant, j'ai compté, il y a à peu près 14 000 abonnés qui sont arrivés d'un coup. T'as compté En janvier, j'étais encore à 1000. Oui. Ah bon, c'est en janvier que t'as annoncé le passage à 1000. Mais même sur la chaîne, genre j'avais regardé vidéo 2000 abonnés, genre FAQ, je sais pas quoi. Et 8 mois plus tard, vidéo 10 000 et il en est à 15 000 aujourd'hui. Donc voilà. Même sur YouTube, bon, ça a été assez fulgurant. Qu'est-ce que ça fait de monter aussi vite en disant, des trucs qui font rire? Je n'ai aucune idée de ce que ça fait aux autres. Mais personnellement, j'ai pas du tout l'impression d'avoir bougé. Je sais pas pourquoi, mentalement, ça me fait extrêmement plaisir, évidemment. T'as failli dire ni chaud ni froid. non, c'est pas ça, c'est que ça ne me change pas. En fait, je travaille toujours de la même façon. Et j'ai juste plus de retours qu'avant et ça fait super plaisir. Tu es resté le même, quoi, tout simplement. Tu es resté fidèle à toi-même. Quand j'avais 80 abonnés, je me disais les mecs qui en ont 15 000, c'est incroyable et tout. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, ça te change pas grand chose. Je crois que je réalise juste pas que ça monte, c'est tout. Attends d'arriver à 100 000. Ouais, mais ça en fait, en faisant des vidéos WoW, c'est très difficile d'atteindre 100 000 abonnés, des choses comme ça. Justement, là, tu penses peut-être à passer sur d'autres choses et je pense que tu as grave le potentiel. Donc, Après, vu la communauté, je prends les paris. Hein. Je pense que ça va monter. Ouais, mais le truc, en fait, c'est que c'est tellement cosy d'être une petite communauté. On est tellement. Je peux répondre aux gens qui m'envoient des messages. J'ai zéro hater. Et quand bien même j'en avais, je m'amuserais avec eux, ce serait marrant. Après, le but n'est pas de prendre des followers. Si jamais tu passes sur autre chose, par exemple, tu as mentionné donc passer sur The Last of Us, on en a un peu parlé, on va dire hors antenne, voilà. Et enfin, c'est plus pour toi, justement, pour que toi tu puisses parler avec ta communauté et leur proposer d'autres choses, tu vois aussi, leur faire connaître d'autres contenus, pas forcément juste du WoW, mais après, c'est pas pour les abonnés que tu le ferais. Oui, c'est ça. Mais plus le temps passe, en fait, plus je vois que les gens me suivent pour moi et pas que pour WoW. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé, en fait, pendant ces derniers mois. C'est que je me disais, si un jour je passe sur... je quitterai jamais WoW, évidemment, parce que j'adore écrire dessus. Mais si jamais je fais des vidéos sur d'autres choses, j'avais peur que ce soit mal reçu parce que les gens sont aux F total. Oui, t'avais fait un petit sondage pour savoir si ça leur plairait une petite vidéo sur LOL et je crois que la réponse était « nope ». C'est ça, mais quand bien même là pour le coup, je vais quand même en faire. Parce D'accord. que. Rien à foutre. C'est bien. Parce que je suis beaucoup trop inspiré pour ça. Quand on vous disait l'insolent Nalfein, c'est pas l'insolent, pour rien. Exactement. le petit blagueur insolent. Et ouais, en fait, je vais toujours faire ce qui m'inspire et ce qui m'amuse en fait. Si je commence à me brider pour faire plaisir à tout le monde en fait. Ça se ressentira que je le fais pas avec passion et plaisir. Et puis tu pourras jamais le faire plaire à tout le monde, c'est pas possible. ça brisera forcément la qualité du truc, quoi. Ah, une petite question, est-ce que tu préfères faire les explications quand tu fais par exemple les pourquoi jouer? C'est quoi que tu préfères faire? Trouver des raisons un petit peu absurdes pour jouer telle race ou telle classe, ou faire la musique? Ça dépend du pourquoi jouer. Il y a certains pourquoi jouer où j'ai été motivé parce que j'avais trouvé la bonne parodie et j'étais très content de l'écrire. Et d'autres où j'ai écrit toutes les raisons d'une traite parce que j'étais ultra inspiré. Par contre, la musique je connais pas du tout, quoi. Mais après, Tu as dit que t'aimes pas ta voix aussi. J'ai clairement mis le doigt dans l'engrenage avec les musiques parce qu'à la base, il y en avait pas dans les pourquoi jouer. Mm. Pour les orques et les nains, il y en avait pas. C'est vrai. Du coup, à quand la musique? J'y pense depuis bien longtemps pour les nains et les orques, mais waouh, c'est vraiment compliqué, quoi. Peut dire que les orques ça pue des pieds, je sais pas. Non mais. Parce en que c'est cas... bon le pied. En tout cas, il y a Warel dans le chat qui dit fais ce qui te plaît, merci. Mec, pardon. Oui. Merci. Exactement. Bah, je vois pourquoi j'ai lu merci, genre de loin, tu vois. Snowy Way qui vient de follow d'ailleurs, merci à toi. Merci. Mais pourquoi faire gnome, race des enfers? C'est Abbé Sainte qui t'a dit ça. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, que tu as une race préférée, Gobelin, est-ce que tu en as déjà monté? Parce qu'on sait que tu joues elfe de sang guerrier. Oui. Et mais est-ce que tu joues des gobelins aussi au niveau? Moi, je suis sûr que oui. Ah, j'ai honte. Je joue un gobelin DK qui est 110. Je crois que j'ai abandonné quelque part. Mais franchement, je l'ai fait uniquement parce que je voulais absolument un gobelin parce que je trouve que c'est la race la plus drôle du jeu. Non, on est d'accord. Oh, je les trouve trop moches. Ah oui, non, vraiment, j'arrive pas. Et ils sont atrocement moches et du coup j'ai été hypé pour mon DK jusqu'au niveau 110 et après j'ai fait ouais, mais c'est bon, stop. Les filles, est-ce que vous avez encore des questions pour Nalfane? Une exclue? Allez, une exclue. Quelle est la prochaine Go. Vidéo, le thème? Si vous saviez à quel point je m'ouvre les veines en ce moment sur la prochaine vidéo. Je travaille sur la version longue d'une chanson, la chanson des Worgen, là, Canidé. Et je me rends compte qu'en fait, depuis la première version, j'ai la voix qui a mué. Et je savais même pas qu'on pouvait muer de 24 à 25 ans. Et du coup, elle est instable, en fait. J'ai beaucoup trop de mal à la chanter. Le problème, c'est que j'ai déjà ma dessinatrice Flyer Moon, un gros bisou, qui m'a fait les avatars déjà, la refonte. Et donc je travaille dessus comme un porc pour que le résultat soit le moins dégueulasse possible, en fait. Mais j'ai la voix qui ne suit absolument pas en ce moment. Pour camoufler, tu peux prendre une deuxième personne. En général, ça arrive à cacher. Je pourrais, mais le problème, c'est que comme je suis une grosse brêle en montage audio, j'aurais beaucoup trop de mal à faire matcher sa voix avec la mienne et tout ça. Rémi, aide-le. Alors, justement, là, tu me tends une perche, Nalfane, parce qu'on a discuté un petit peu en début de semaine pour préparer justement l'émission. Est-ce que tu peux nous dire quel est le logiciel que tu utilises? Parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent faire comme toi. Ça, ce n'est pas spécialement important, tu sais. Non, je suis le touriste du montage dans ce game. Franchement, j'enregistre ma voix avec OBS. Je retouche ma voix avec WavePad et je monte sur Camtasia. Alors, voilà. Tu le vois peut-être pas, mais Rémi fait des grimaces au fur et à mesure. Non, Camtasia 2009, bien entendu, puisque 2009 est beaucoup trop récent. Oh, donc voilà. Dites-vous que. Sinon, en autre vidéo qui arrive, j'essaye d'écrire en ce moment pourquoi jouer démoniste et pourquoi jouer Teemo. De League of Legends. Oh, pas mal. Mais comme je suis en train de m'éparpiller absolument partout, il faut que je me canalise et que j'arrive à écrire une vidéo parce que c'est difficile en ce moment. Just do Après, it, Nalfane. Peut-être que tu donneras envie aux gens qui n'aiment pas LoL de justement connaître LoL. Peut-être. D'ailleurs, c'est un jeu ultra riche en vrai. C'est juste la communauté qui gâche tout. Voilà, c'est ce qu'on entend le plus souvent, effectivement. D'ailleurs, il y a Gigi qui est venu sur le chat. Oui, il y a D-Wolf qui est actuellement sur le chat qui n'a pas pu être avec nous puisqu'il a des problèmes administratifs à régler d'abord. C'est dommage. Une petite. Donc, je voulais juste revenir sur tous les logiciels que tu utilises. Donc regardez bien les vidéos de Nalfane, la qualité qu'il propose avec des logiciels gratuits. Comme quoi, parfois on utilise l'excuse, non mais j'ai pas le bon logiciel ou pas le bon micro, mais sachez que cet homme, il utilise des logiciels gratuits et il fait un travail magnifique. Donc, après, Camtasia n'est pas totalement gratuit. Ah. Il y a une version d'essai de. Je l'ai acheté illégalement sur le net. Illégalement. Tu l'as pas acheté, tu l'as craqué. Non, j'ai dépensé de l'argent dedans. Ah bon. C'est le truc qui choque tout le monde. Ne faites pas jurer, s'il vous plaît. Après, il y a des logiciels gratuits de montage. Oui, il y en a plein. Il y a Windows Movie Maker, on s'en voilà, souvient. Et sinon, pour les gens qui sont sur Mac, il y a l'équivalent. Non, mais c'est celui que tu prends, Rémi, toi. De quoi ? Ça fait des. Oui, mais moi, il est craqué. Aucune honte. Ça fait des mois et des mois que Combo, que je salue, et je crois qu'il est dans le chat en plus. Oui, effectivement. Combo et Halloween Detox me disent de passer sur Premiere Pro pour le montage. Mais je l'ai téléchargé, je l'ai testé et j'ai tellement perdu mes repères d'un coup que j'ai fait allez Camtasia 2009 c'est très bien. On va retourner dessus. Après et un passer jour, à première direct à c'est un peu trop. Enfin pour avoir déjà testé c'est pas. En fait je peux plus me permettre de réapprendre parce que je suis tellement maniaque que je pourrais pas sortir une vidéo avec un montage moins quali. Pas que mon montage est quali, je fais juste des vieux montages ce que j'appelle diapo. Des images, ma tête qui se déplace sur l'image, l'image suivante, des choses comme ça. Alors, le plus dur à faire, c'est quand même la tête qui se déplace, parce que même moi, avec le logiciel que j'utilise, je galère. Hein. Ah, mais en image, t'es nul aussi, Rémi. Oui, il y a de ça aussi. Ouais, il y a de ça, j'avoue. Mais combien de temps tu mets pour faire un montage ? Ça dépend de la série, enfin de l'épisode, en fait. Pourquoi jouer ? Trois petits points, c'est 10-15 heures de montage, oh, si c'est un même. Gros truc. Parce qu'il y a toute la parodie, il y a etc. Machin. Le Hunger Games qui vient de passer, je mettais entre 10 et 12 heures pour chaque épisode et j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus, surtout mais... que je tenais... Mais le montage, c'est extrêmement long. Hein. Il faut vraiment s'y accrocher. Même un 2 minutes avec un personnage, ça me met forcément 2-3 heures. 3-4 heures. Pour avoir fait un stage dans une école d'audiovisuel et pour avoir fait du coup pas mal de montage, c'était juste des interviews, c'est juste des trucs où tu prenais les images, tu les superposais, tu choisissais telle caméra ou telle caméra et puis voilà, tu vois, le truc plutôt basique, on va dire. Déjà ça, juste pour la synchronisation et pour après juste les petits trucs, c'est qui parle, tu vois. C'est qui parle. Ouais, voilà. Ça prenait facilement 3 heures. Juste pour ça, donc c'est horrible, le montage. Effectivement. On va terminer cette interview avec une question pour vous les filles. Je vous pose la question, c'est sur le NCU, non. Le Nalfheim Cinematic Universe. et vous répondez, et ensuite c'est Nalfheim qui donne la bonne réponse. Et comme ça, Nalfheim, si tu as un commentaire à faire dessus, n'hésite pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce qu'on risque quelque chose ? Voilà. Non, vous risquez rien à part une humiliation publique. Ok, alors, très bien, alors. Allez, dans le NCU, donc dans le Nalfheim Cinematic Universe, quel est le personnage le plus puissant entre Haddock le Murloc, Exodar ou Kyle ? Alors. C'est qui ce personnage ? Alors, Exodar, je sais que c'est le canard. Kyle, je sais que c'est le sorte de lion, mais l'autre, je ne sais pas qui c'est. Ah oui, ça y est. Haddock le Murloc. Ça percute. Bon, bah écoute, moi je vais dire. Je me souviens plus de la tête. Je crois que c'est le pingouin là. C'est qui le pingouin ? Le pingouin. C'est Exodar. Il n'y a pas un pingouin. Non, il y a un canard. On sent la joueuse de WoW, c'est bon. Il y a un nouveau personnage sur la chaîne, Célestin le pingouin. Ça arrive. Oui. Ah, oui. Mais... il existe, mais je me suis ratée. Mais il existe. Non, il n'existe pas. Hein, du tout. Ah merde. Créez-le pour moi. Haddock, Kyle ou Exodar ? Moi je vais dire Kyle, écoute. Tu dis Kyle. Ouais, moi je vais dire Kyle. Nalfheim a donné la réponse au début du Hunger Games saison 3, je crois. Saison 3 ou 2. Il me semble, ouais, quelque chose comme ça. Je sais pas, t'as beaucoup travaillé le sujet, bravo. Je les ai regardées en boucle tes vidéos, je les connais par cœur. Qu'est-ce que tu réponds, Maïlys ? Vas-y, répète les noms. Haddock, Kyle ou Exodar ? Plouf plouf le premier. Je me souviens pas du nom. Haddock. Voilà. Nalfheim ? C'est des noms trop compliqués. C'est Haddock. Ouais, non, ouais. Non. La plouf est toujours gagnante. D'ailleurs, d'où il vient Haddock le Murloc ? J'étais en vocal avec un ami et je disais je suis en train de préparer une nouvelle saison d'Hunger Games. J'aimerais bien en profiter pour inclure un nouveau personnage dans l'histoire, quoi. Enfin, dans la chaîne. Et je sais pas comment on en est arrivé à la conclusion qu'il nous fallait un Murloc. Ce serait marrant d'en faire un. D'accord. Et donc, moi, j'aime bien faire des rimes à la con. Exodar, le canard. D'ailleurs, c'est tout. J'avais que ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai Exodar, le canard. Je vais choisir un nom en hoc pour le Murloc. Mais ad hoc, voilà. Et puis après, j'ai contacté ma dessinatrice. Je lui ai dit, tu peux me faire un Murloc, s'il te plaît. La pauvre, elle avait jamais fait de Murloc, en plus. Et elle a complètement géré le truc. Et puis, voilà... je sais même plus comment j'ai eu l'idée de lui donner une chaise longue oui, dorée en totem. Je sais plus comment j'ai pensé à son caractère. Je crois que tu l'as légendaire. Dit dans la vidéo. Oui, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles de la vie. Il s'en bat les couilles d'absolument tout. Ouais, voilà. Il a la flemme de tout faire. À chaque fois qu'il fait le moindre mouvement, il crée un big bang. Enfin, il crée des choses sans le vouloir et ça me fait rire en fait. Ce genre ça me fait penser à un animé ça. Je sais plus comment il s'appelle. Il a les cheveux roses avec des antennes. Ah et oui, s'il enlève les antennes, Saiki, il explose. Machin. Saiki, le truc. Ouais. Très bien. Mais on va passer à une dernière question. La toute dernière. Attention. Mmh. Et je l'ai oublié en fait. C'est pour ça que je fais traîner un petit peu le truc. Mais je l'avais en tête là. Et en fait, pendant l'explication, je l'ai totalement zappé. Ce qui fait que c'est totalement fou. Alors on va s'arrêter là. Merci. Il a les cheveux bruns. Ouais. Bravo. Du coup, Nalfane, tu vas rester avec nous bien sûr tout le reste de l'émission, mais c'est à retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram et sur Discord. Et réponds vachement vite sur Instagram, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et même sur Twitter aussi d'ailleurs, et même sur Facebook, et même sur YouTube. On se calme, c'était utile du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre si vous ne le connaissiez pas, que vous venez de le découvrir. Et bien sûr, si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à le rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Nalfane, on va profiter de cette pause musicale pour justement passer une de tes musiques. Ça s'appelle Jinky le Troll. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on l'écoute? Ça a été la seule chanson de la chaîne qui m'appartient en fait. Qui a été créée par un ami, on s'est posé à 3h du mat sur Discord ensemble, il avait sa guitare, il a fait 2-3 notes, j'ai entendu et j'ai fait attends, tu peux refaire ça s'il te plaît? Et de là j'ai dit bah si tu arrives à me faire une instru avec ça, j'écrirai une chanson originale pour les trolls. Et du coup c'est la seule chanson qui m'appartient vraiment en fait. C'est vachement mignon, c'est un moment émotion. Exactement, c'était sympa. Jinky le Troll, c'est la première pause en musique dans Culten Geek, et on revient juste après. Il est con mais gentil, c'est un troll nommé Jinky. Salut ! Il n'a pas d'amis. Guérisseur à 16h, il rêve d'être un vrai sauveur, d'être un bienfaiteur. Quand sa sœur Jen Kiri t'a chopé l'appendicite, il voulut l'aider. Veux t'aider ma sœur. Une mixture de mixture, ma sœur elle sera guérie. Elle est morte dans la nuit. Ah. Partout sur les chemins dans tout le pays, les gens s'écartent d'un pas, ont peur de lui. N'ayez pas peur. Il n'a que ses remords pour compagnie. Il est gentil, il est gentil, il est poli, il est poli, il est serviable, il est aimable, il est mignon, mais qu'il est con Jinky. Hey, hey, hey. Le vaudou est sa vie, c'est un troll nommé Jinky. Il n'a pas d'amis. Si seulement sa bonté les faisait pas tous crever, il serait adoré. Et Jinky le toit, mec. Il a déjà tué 34 personnes. Déjà? En tentant de sauver 34 personnes. Ah oui, c'est vrai. L'idiotie et l'amour en lui fusionnent. Il est gentil, il est poli, il est serviable, il est aimable, il est mignon. Mais qu'est-ce qu'il est con ce Jinky, Jinky? Un beau jour, peut-être bien que Jinky sauvera quelqu'un sans le perdre ensuite. C'est joué, mec. Si vous tombez malade et que Jinky s'en aperçoit, faites profil bas. Que vous ayez un rhume, mal au dos ou à la tête, il vous aidera. C'est la tête, mec. Il est con mais gentil, c'est un troll nommé Jinky. C'est où déjà? Il n'a pas d'amis. Un jour on l'appellera le guérisseur, quand il confondra plus le foie et le cœur. Un jour les gens malades viendront à lui, un jour ils lui diront peut-être hey sauve-moi Jinky. Jinky le troll dans Cult & Geek, une musique de Nell Fain qui est notre invité aujourd'hui et cette semaine dans l'émission. Et on passe tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web, c'est bien sûr ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur le net. Et on commence tout de suite avec toi, Maïlys. Oh, quel connard. coup de cœur du web, oui, non, bah, c'est pas du web, c'est de l'application. Bah oui, vas-y, ok. C'est une appli qui s'appelle Nonogram, sans le E à la fin. D'accord. Alors en gros, c'est un mix de sudoku et de coloriage. Comment ça? Comment c'est possible? Explique. En gros, il y a les chiffres tout autour. Ça marche par cube de 5 aussi. Non. Ça marche par cube de 5. D'accord. Et les chiffres indiquent le nombre de cases qui seront coloriées. Et du coup, tu sélectionnes le nombre de cases, etc. En fonction de la logique, comme un sudoku un petit peu. Et à la fin, ça te fait un dessin. D'accord. Dans le chat, apparemment, ils connaissent. Il y a Pepper qui dit le nonogramme, c'est la vie. Ouais. Voilà, donc effectivement, tu n'es pas la seule. Oh. Mais c'est à ça que je jouais hier pendant 3 heures. D'accord. Comme quoi, vraiment 3 heures. C'est parfois plus addictif que WoW. Chacun sa façon de s'amuser, décidément. Je vais regarder ce que c'est. Est-ce qu'un pourquoi jouer 3 petits points sur le nonogramme est prévu, Nalfein? Bien entendu. Ah, mais c'était sûr. Très bientôt. Renata, est-ce que tu as un coup de cœur? J'en ai 3 en fait. Juste un. Juste un. Oui, non, parce qu'en fait, on a fait durer l'interview un peu plus. Et, c'est vrai. Ah, t'es triste. Et nos diffuseurs vont pas être très contents. Bah, écoute, vu que j'ai pas les gros dégueulasses là, donc Yacine et Gigi pour commenter les deux trucs qui sont un peu dégueulasses que j'avais trouvé. Du coup, je vais parler donc de Kuro Savoir. Donc c'est, je vais sortir quand même ma petite news hein, pour avoir c'est les bons trucs. C'est une couronne qui va savoir. Non. Kuro c'est trois titres proposés par Kurokawa, donc c'est une maison d'édition pour ceux qui souhaitent découvrir des sujets sérieux entre guillemets en lien avec la philosophie au Japon. Non, c'est les mangas qui ont été édités, qui vont être publiés en France, ouais. Et qui donc portent sur genre Karl Marx, Le Bon, ou alors même l'effroyable Nietzsche. Il raconte donc en manga. Il a rien demandé, lui, il laisse-le tranquille. Non, mais pour les étudiants, il fait un peu peur. Ah. Voilà, pour les gens qui veulent apprendre un peu la philosophie tout en s'amusant, en lisant des mangas, etc. Ben voilà, il y a les trois titres-là qui vont être proposés en alternative pour comprendre les grands concepts de la philosophie. Ça n'a pas marché. Très bien. Mais ils s'attendent pas à ce que ça marche, hein, je te rassure. Ah bon, ça va alors. Par contre, mais tu voilà, vois, c'est ça la peut série. Être stylé. Tu vas en fac de philo et en fait, ton prof, il te sort les mangas. Tu es débarqué avec vous. Non, mais alors... que ça peut être vachement stylé. Mais après, ça raconte vraiment le truc, mais juste avec des persos et des trucs comme ça, enfin une histoire, tu vois. Donc moi, je pense que ça va être bien, tu vois. On revient sur ce que t'as dit à propos de G-Wolf et Yacine qui sont pas avec nous cette semaine. Il y a G-Wolf sur le chat qui est pas content et il est gros dégueulasse. J'ai fait quoi? Gare à toi, la semaine prochaine, ma chronique sera épicée. Je sais, je les ouvre voilà. Les yeux. Bah écoute, c'est ta faute de pas être là. Mais du coup, voilà, j'ai pas le temps. Ah non, il va refaire une blague miso. Oui. Ah ouais, celle avec les machines à laver, ouais, là, c'était voilà. Terrible. Hein. Bon. Elle a piqué celle-là. Donc voilà, ça s'appelle donc Kuro Savoir. C'est du coup, voilà, la série de trucs sur la philosophie, très de bien. Manga. Nell Fain, est-ce que tu as un coup de cœur par hasard? Alors honnêtement, j'ai été en PLS dans mon coin pendant plusieurs jours là ces derniers temps. Du coup, j'ai pas spécialement de coup de cœur, mais j'ai vu passer quelque chose qui m'a fait rire. Mais bon, c'est un sujet pas drôle en soi, en fait. C'est, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un sur, enfin récemment là, on a réussi à choper un mec qui a assassiné sa famille là il y a 8 ans. Nicolas Dupont, il était en tout. Je crois que c'est avant-hier. Et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu passer le screen d'un topic sur jeuxvideo.com en fait, sur un forum, oui. D'un mec qui avait mis un jour avant, il avait créé un topic pour dire ouais, j'ai eu des visions, etc. J'ai fait un rêve et on va choper ce mec bientôt. Et le lendemain, ils ont chopé le mec. Hein. Oui, et en fait, le sujet en lui-même n'est pas drôle. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que ça m'a rappelé mes jeunes années sur jeuxvideo.com où tu pouvais... Enfin, il y avait des trolls à foison, en fait, dans tous les sens. Et je me dis que le mec a quand même... Enfin, je pense quand même que c'est un gros troll, mais franchement, c'est ouf, quoi. Je me suis dit, le mec, il a trollé. Et il a buzzé parce que le lendemain, il est arrivé vraiment ce qu'il a prédit, en fait. Et et en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça marrant, même si le sujet en lui-même est pas drôle en fait. Ça m'a rappelé jeuxvideo.com, tout ça. Et du coup, c'est un peu le truc qui m'a marqué en ce moment sur internet. Sinon, j'ai pas vu passer grand chose qui m'a vraiment. Et du coup, tu hurlais marqué. De rire tout seul chez toi. En fait, ça m'a pas fait rire, ça m'a juste rendu nostalgique. Ah. Vraiment. Donc, voilà. Ah, comme nostalgique, wow classique, allez. Exactement. Et toi Rémi? Et mon coup de cœur. Et bien mon coup de cœur, je vous le disais en l'intro de l'émission, je crois qu'il nous a follow. C'est un autre youtubeur wow, il s'appelle Combo. Exactement, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur WoW, sur Hearthstone, sur Overwatch. Et en fait, je crois que là, en deux jours, j'ai regardé à peu près toutes les vidéos qu'il a fait sur Overwatch et sur Hearthstone. J'ai regardé aussi pas mal de ses vidéos sur WoW la semaine passée. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur, Combo, et qui a un joli accent qui me rappelle d'où je viens. Mais quelle concurrence, du coup. Okay, oui, Combo qui est d'ailleurs mon... Enfin, avec Halloween et Tox, mon vrai chouchou, vraiment. C'est quelqu'un... de juste incroyablement adorable dans le privé et tout ça et il est vraiment incroyable pour le coup, donc je comprends totalement ton coup de cœur parce qu'il est qualitatif en plus de ça sur YouTube et en stream aussi. Alors du coup je vais en profiter qu'il soit là pour dans le chat pour lui demander Combo, est-ce que c'est toi qui fais l'animation des dessins lorsque tu fais des vidéos de pourquoi jouer par exemple Faucheur ou autre? Est-ce que c'est toi qui fais l'animation des dessins? Parce que je trouvais ça vraiment magnifique. On peut faire un dessin animé avec ça. Tellement c'est beau. Et puis il est en train de meubler jusqu'à avoir la réponse. En alpha, yes. D'ailleurs, coup, moi j'aime bien la réponse du Pepper, vraiment. Ouais, l'ancien. Ah, regarde, il a répondu. Oui, absolument pas, malheureux. Je n'ai aucun talent de dessin. Bon. Dommage. Triste. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un prochain feat, une vidéo Combo et toi, Nalf, prévu? Hier, je l'ai eu en appel, le petit Combo là, et je lui ai dit j'ai envie de t'inviter sur une vidéo, et je sais pas si je dis quelle vidéo parce que je sais pas si ça va se faire, mais j'ai très très envie de refaire des choses avec Combo parce qu'on s'éclate, tout simplement. Et avec Halloween et Tox? Avec Halloween et Tox, j'ai aussi prévu quelque chose, mais le problème c'est que ça dépend pas d'eux, ça dépend de moi cette fois. Parce que ce que j'ai prévu de faire, je l'ai prévu depuis bien longtemps. J'ai même invité d'autres youtubeurs dont je tairai le nom. Et je n'arrive pas à écrire. C'est super. Donc, du coup, ça fait un mois, je crois, un mois et demi que j'ai contacté des youtubeurs pour leur dire j'ai envie de faire ça, vous êtes chaud et tout. Et j'ai eu des réponses positives et j'ai toujours rien écrit. Donc ça dépend vraiment de moi. Si j'y arrive, c'est cool. Si j'y arrive pas, bah, ça n'arrivera pas. D'accord. Trop dispersé. Ouais. Bah, en tout cas, bon courage parce que du coup, on comprend que tu as pas mal de projets sur le feu là actuellement. Bah, c'est chouette ça, c'est toujours bien d'avoir des projets. Oui, ouais. C'est bien de les réaliser aussi. c'est la petite différence qu'il y a après. Écoutez, les coups de cœur donc, sont à retrouver, ce sera retrouvé en extrait directement si vous voulez retrouver la chaîne de Combo. Profitez-en, il est dans le chat, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et puis bien sûr, ce sera retrouvé directement en extrait avec tous les liens sur le YouTube de l'émission. En attendant, on va passer au deuxième jeu de cette émission, c'est le Qu'est-ce que c'est ? Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Kulten Geek. LOL. Le Qu'est-ce que c'est le deuxième jeu de cette émission, et je vous explique les règles si vous ne connaissez pas l'émission. En gros, on doit résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, un manga, etc., etc. L'équipe avec maximum 3 indices doit réussir à trouver de quoi on parle, et cette semaine, c'est Renata qui a fait le résumé. Nalfein, est-ce que tu es prêt pour de l'absurde pur ? Je suis extrêmement chaud. Arrête, moi je fais pas aussi bien que toi ou Gigi, vous racontez vraiment n'importe quoi. Moi j'essaie quand même que vous puissiez le trouver, tu vois. Genre je me casse la tête. Non mais c'est pas très marrant si on le trouve direct. Non, bah alors pas direct, mais bon, le truc c'est quand même que vous le trouviez à la fin, tu vois, sinon c'est pas drôle. Sinon j'aurais si pu prendre... Si on a la réponse, est-ce qu'on intervient comme un malpoli en bruit ? Il n'y a aucune politesse dans cette émission. Vraiment, là, tu peux faire le sagouin à fond. Vas-y. Ok, impeccable. D'accord. Bon, par contre, il n'y a que 3 propositions, du coup, voilà. Alors... Il était une fois une femme triste qui voulait faire du mal. Désespérée, elle a ensorcelé des gens, parce que son chéri l'avait larguée. Mais elle le regrette très vite. Elle essaye de réparer ses erreurs, mais ça tourne mal. Elle est très forte, alors tout le monde a peur. Heureusement, l'amour triomphe à la fin, et ils vécurent heureux pour toujours. Ou pas. On dirait, tu sais, le titre d'une vidéo YouTube, j'essaie de réparer mes erreurs, ça tourne mal. Ça tourne mal, ouais, j'ai tilté dessus aussi, mais c'est un peu ça, ça m'a fait penser à Maléfique, mais c'est pas ça, du tout. Est-ce que c'est un film Renata, ou c'est plutôt un... Alors tu sais qu'on répond pas aux questions, genre. Mais du coup, il nous faut le premier indice, vu qu'on a que trois propositions. Le premier indice, c'est un film. Voilà. Alors, Nalf, trois propositions, mais pour Maëlys, toi et moi. Hein, c'est ensemble, trois propositions, on n'en a pas trois chacun. Donc, il faut bien qu'on se concerte, voilà, avant de dire n'importe quoi. Trois au total. J'ai déjà dit n'importe quoi. Ah, mince, il a dit n'importe quoi. Un tonneau, un fût de bière. Pardon, j'ai failli rater là. Là, j'ai pas d'idée, donc si Maëlys ou Nalf, vous avez quelque chose. Moi, est-ce que j'ai déjà donné une proposition? Est-ce que j'ai déjà donné une proposition depuis le début d'émission? Non, c'est vrai. Voilà. Ni depuis le début de la saison. Voilà. Ça percute jamais. Moi, j'ai rien, Alf. Attends, j'ai le cerveau en écran bleu. Veuillez patienter, Nalfeign.exe. Essayez de fonctionner définitivement. J'ai rien. Est-ce que tu arriverais juste à relire le début, vite fait, s'il te plaît? Oui, il était une fois une femme triste qui voulait faire du mal. Désespérée, elle a ensorcelé des gens parce que son chéri l'avait larguée. Mais elle le regrette très vite. Jusque là, ça va? Ouais, non, c'est idée. Bon, ça suffit, je trouve pas. Blanche-Neige, incroyable. Blanche-Neige. Et avec le chasseur, Kristen, là, je sais pas quoi. Ouais. Bah, non. Non, c'est pas ça. Bah, si, parce con, que bah, la sorcière dans le... Ah, bah, non, mais c'est elle vrai, reste c'est... méchante. Ah, merde, non, c'est vrai. Mais pas un Disney. Je veux dire autre chose. Un film adapté. Il y a eu pas un deuxième indice? Oui, bah, elle a des pouvoirs magiques. Ouais, c'était évident. Merci. Hein? Ça va être vachement utile. Non, ça. Mais l'indice 3, il est utile, arrêtez. Et c'est un film connu? Bah, non, non, mais je vais pas prendre des trucs pas connus. Je vais pas prendre des trucs pas connus. Par rapport sinon, au score du box-office, est-ce qu'on peut faire à peu près une moyenne? Alors, je n'ai pas étudié le box-office, je vous avoue, très cher, donc bon. Ni la note sur Sens Critique, donc bon. Merde. Sur le chat, la Reine des Neiges. Est-ce que c'est une proposition de votre part? Mais c'est un dessin animé, t'as pas le droit de faire ça, t'as dit que c'était un film. Bah écoute. Alors, c'est un film d'animation, la Reine des Neiges. Oui, mais du coup, c'est pas classé. Attends, classé on se concerte, Nalfeign, Maëlys, est-ce qu'on valide non, la proposition de Non, c'est ça, vu sa réaction, Biozombe. C'est exactement ça, parce Biozombe. Qu'elle l'a défendu. Le problème, c'est que... C'est pas ça. J'ai pas vu la Reine des Neiges, en fait. Du coup, je l'ai validé comme deuxième proposition. Ouais. Tu n'as pas vu la Reine des Neiges? C'est dommage. Non. J'ai validé ça comme deuxième proposition, ce n'était pas ça. Alors, le troisième indice, du coup, s'il te plaît. Troisième indice, ça va être plutôt évident, hein. Là, ça va être le premier qui trouve. Elle aime les flammes. Ah oui, c'est évident, ça. Bah oui, c'est évident. Très évident. Là, il y a Rémi.exe qui vient de cesser de fonctionner. Ouais, le mien, il est en latence. Je fais quoi? Je fais bleu ou je fais pas bleu? Et Maëlys qui est en écran noir. Elle aime les flammes. C'est bien. Il y a G-Wolf sur le chat qui nous dit n'importe quoi. Harry Potter. Non, mais vraiment. Et il y a Pepper qui revient sur ce que tu disais au début, Maëlys. Quoi? C'est pas Maëlys qui l'a dit, c'est... Sur Maléfique ouais. C'est le blagueur insolent. C'est, voilà, c'est lui. Ah oui. oui, non, Maléfique. Non, c'est pas Maëlys, effectivement. Mais j'ai confondu les voix. Ah ouais, non mais là... Attends, excellent. Bien suivi. Du coup, est-ce qu'on propose Maléfique ou est-ce qu'on propose pas Maléfique, les gens? Tu l'as déjà dit au début, elle a dit non. Non, elle avait pas non, proposé. Non, il a pas proposé. On l'a pas proposé. C'était quoi alors la première solution? C'était Blanche-Neige. Ah. Blanche-Neige et le chasseur. Okay. C'est ça. Maléfique, il n'y a pas d'histoire de feu dedans. T'es sûr? Ouais. Mais attends, elle aime les flammes. Mais. Attendez, mais si j'ai dit juste. Et tu as l'air exaspéré, début, Rémi. Pardon? Si j'ai dit juste dès le début, c'est fou quand même. Bah écoute. Non, Gigi, toi qui es dans le chat, allez, tu veux pas aider? Pepper qui dit elle se transforme en dragon quand même. Ça c'est vrai, à la fin du film, elle se transforme en dragon. Il y a Biozombe qui. C'est une très belle scène. Il dit autre chose, mais lui il part sur du X-Men. Dark Phoenix. Ça me fait penser à Belle au Bois dormant. Bon écoutez. Allez, dernière proposition. On valide Maléfique du coup? Bah non, il n'y a aucun rapport avec la sauce. Non, mais en vrai c'est un naze. Truc qui a un peu de rapport au moins. Bah il y a Jean-Loup, il proposait Harry Potter. Non mais. Où est le feu, Harry? Déjà que moi j'aime pas Harry Potter, enfin j'aime pas trop Harry Potter, je vais pas faire un truc dessus, genre. Est-ce qu'on peut avoir un micro indice, genre c'est un Disney ou pas un Disney? C'est pas un Disney. Voilà. Bon, mais c'est pas Ah non, attends. Si, c'est un Disney. C'est un Disney. Bon, ouais. C'est maléfique. Tu es sûr? Moi, je vous dis, c'est maléfique. Ou basé sur une histoire Disney. Vas-y, on parle là-dessus. Je suis sûr, c'est maléfique. Vous validez maléfique? Non, moi je dis. Non. Moi, je dis que c'est Amy la Belle au bois dormant, mais pas la maléfique. Faites un vote. Faites un vote. On est à 2-1. Faites un vote. Vous votez pour tous les deux là? Bah, j'ai dit maléfique au tout début, c'est le premier truc qui m'est venu, je sais pas. Tu votes pour Rémi? Je vote pour. C'est maléfique. Putain, oh oui. Mais le feu. Son pouvoir, c'est les flammes vertes. Hein. Ah, ah, putain. Vous avez jamais remarqué, c'est des flammes vertes, les gars. Non, même pas remarqué. Bah, voilà. Malfeigne, il a fait un truc énorme. Mais moi, il avait le casque, il l'a balancé. Énorme. Moi, j'ai fait mon maximum pour rester impassible, tu vois, quand il a sorti Maléfique comme premier truc. J'étais là. Ouais, c'est pas Maléfique. Non, c'est pas Maléfique, pas du tout. Parce que donc, il y a donc, le deuxième film qui sort très très prochainement, donc le 16 octobre. Donc. Voilà, je me suis dit, bah, c'est un bon truc, je vais aller le voir moi et tout, donc allez, je fais ça pour le truc. Donc voilà, non, une femme triste, elle a été larguée par son copain, bah oui, le mec qui l'a trahi, il a coupé ses ailes, etc. Et après, elle maudit tout le monde, enfin elle maudit notamment Aurore. C'est vrai qu'elle redevient gentille, oui. Et elle essaye de réparer ses erreurs en faisant qu'elle ne meure pas, mais voilà. D'accord. Et l'amour qui triomphe à la fin, bah voilà, ça, j'ai pas besoin d'en parler. Nalfeng, tu voulais dire quelque chose? Le goat. Je voulais dire un truc, moi. La chèvre. Non, Je suis très content d'avoir trouvé directement. Ouais, alors, ah bah, franchement, bravo. Ouais, chapeau. Franchement, ouais. Je crois que t'es le premier invité qui trouve un quai que c'est. Ça régale. C'est bien. Donc, félicitations à toi. Et puis après cette deuxième pause en musique avec mais toujours. Mais tu sais ce que c'était le troisième indice à la base? Je l'ai changé. Non, c'était quoi? C'était elle a perdu ses ailes. Et, ouais, et quand il a dit Maléfique, tu vois, j'étais là, je peux pas mettre cet indice là, ça va être trop évident. Autant te dire que l'histoire de Maléfique, c'est comme le skill sur les jeux vidéo, je la connais pas. D'accord, bah écoute, moi non plus, mais moi je connais pas le skill sur les jeux vidéo, mais je connais Maléfique, ça va. Ah, moi non. Bravo donc du coup à toi, Nalfeyn, et puis on va faire une dernière pause en musique avec une autre de tes chansons avant de retrouver le top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de la semaine. Cette musique, c'est foutu pour Pandari, pour la chanson des pandas. Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus avant qu'on l'écoute ou pas? Oui, vite fait, petite anecdote sur cette chanson. J'ai découvert la chanson originale, donc c'est une chanson de Black M, ce rappeur que je n'écoute absolument pas normalement. C'est juste que mon Spotify me l'a mis en mode aléatoire et j'ai tout de suite accroché au son de l'instru en fait, et je connaissais absolument pas la chanson. J'ai écrit mon truc par dessus en un après-midi, je crois, et encore aujourd'hui je ne connais absolument pas les paroles de l'original mais que les miennes. Du coup voilà, c'était le fun fact, je ne connais pas cette chanson. Je connais que la mienne au final. Moi j'ai découvert que cette chanson existait parce que tu avais sorti une parodie, tu vois, donc comme ça au moins on est raccord. Très bien, bah, écoute, on te retrouve juste après ça. En attendant, c'est Foutu Pandari de Nalfeyn. On peut parler ou t'es occupé? Ok. Alors écoute bien ce que je vais dire parce que c'est la dernière fois. Cette foutue Pandari a pénétré ton âme. T'as des problèmes d'ordre médical. Faudrait que t'étouffes un peu ta flamme. T'as des plantations de bambou, tu fais dérouler boulet dans ta chambre. Dans ta chambre. Dans ta chambre. T'as des plantations de bambou, tu fais dérouler boulet. Cette foutue Pandari a fait toi l'un des mecs les plus frappés. T'as peint tes yeux en noir, t'as dit appelez-moi Isuke. On t'amène plus au bar, t'as des cargaisons de saké. T'as avalé le respect comme si c'était de l'eau. Toi tu prends les gens de haut quand ils connaissent pas le lotus. T'es celle japonais, t'as semblé syllabe comme motus. Maintenant c'est qui tout doute, c'est devenu la roulette russe. Quand t'auras perdu tout le monde, tu tomberas de haut. Une minute, ça me revient, t'es perdu. T'as choisi panda au lieu de pendu, c'est bien ça. Réponse que tu veux mais dis pas non, c'est soit ça, soit t'es juste devenu complètement con. Cette foutue Pandari a pénétré ton âme. T'as des problèmes d'ordre médical. Faudrait que t'étouffes un peu ta flamme. T'as des plantations de bambou, tu fais dérouler boulet dans ta chambre. Dans ta chambre. De bambou, tu fais dérouler boulet. Cette foutue Pandari a fait voler en éclat ton mariage. T'as tué les tortues de ta femme en voulant un attelage. T'as eu une seconde chance, elle a pardonné ton craquage. Ça a changé la fois où vous êtes allé au zoo. On t'a retrouvé endormi dans l'enclos des pandas. T'as refusé de sortir, t'as dit que ta place était là-bas. Que t'avais rencontré une femelle qui voulait de toi. Ta femme a divorcé car pour elle c'en était trop. Une minute, ça me revient, t'es perdu. Tout a commencé sur ton jeu de gamin, c'est bien ça. Au final, tu t'en sauras, c'est bien, c'était ça. Ou bien assassiner ton voisin. Cette foutue Pandari a pénétré ton âme. T'as des problèmes d'ordre médical. Faudrait que t'étouffes un peu ta flamme. T'as des plantations de bambou, tu fais dérouler boulet dans ta chambre. dans ta chambre. Dans ta chambre. T'as des plantations de bambou, tu fais des roulés boulés. Cette foutue bandari a complètement changé ton quotidien. T'es plus le mec marrant, tu médites du soir au matin. T'es devenu solitaire, tu nous regardes avec dédain. Toutes tes relations, tu les as jetées à l'eau. Tu fais des siestes en haut des arbres de plus en plus, tu t'isoles. T'embrasses tes photos de chaîne, c'est devenu ton idole. Le jour viendra où tu finiras en camisole. Et Izuke le panda aura fini KO. Une minute, ça me revient, t'es tordu. J'sais même pas si tu m'écoutes vraiment, t'es foutu. C'était mon dernier avertissement. Comprends-tu que tu perds ton ami lentement? Tu commences à comprendre ou... Soit tu te réveilles, soit je laisse tomber. Et puis merde. J'sais même pas pourquoi je fais des efforts. Ça fait bien longtemps que t'as perdu le nord. J'ai un dilemme, mon frère. Soit je t'arrête, soit je te laisse faire. J'sais même pas pourquoi je fais des efforts. Ça fait bien longtemps que t'as perdu le nord. J'ai un dilemme, mon frère. Soit je t'arrête, soit je te laisse faire. Cette foutue bandari a pénétré ton âme. T'as des problèmes d'ordre médical. Faudrait que t'étouffes un peu ta flamme. T'as des plantations de bambou, tu fais des roulés boulés dans ta chambre. Dans ta chambre. Dans ta chambre. T'as des plantations de bambou, tu fais des roulés boulés. Pandari de Nalfein, qui est notre invité dans Culten Geek. On passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Culten Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission, mais avant de vous expliquer les règles, Nalfein, on a un défi pour toi de la part du chat qui propose que tu parodies It's a Small World de Disney. Oh mon dieu. Oh là là là là. C'est compliqué. Mais ça pourrait être marrant. Accepté ou pas? Vraiment, je recherche. Accepté ou pas? Je sais pas. Je suis un pro pour dire je vais faire ça et ne pas le faire au final. Donc je vais rien dire pour l'instant. Mais j'ai besoin de chansons. Donc ça, je vais mettre ça de côté. D'accord. Ouais, c'est une idée. Nouvelle proposition. Très bien, on passe aux règles du jeu. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Joue ou j'oppose, en gros, deux noms de jeux vidéo, de séries, de films, de mangas, de comics, etc. Je prends les notes sur sens critique. Celui qui est le mieux noté, c'est le top. Celui qui est le moins bien noté, c'est le flop. Et je vous demande de trouver soit l'un, soit l'autre par rapport aux questions, au fur et à mesure. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Vas-y, t'as galéré. Vas-y. Hein. Oui, parce que j'arrive jamais à l'expliquer ce jeu en fait. Pourtant, il est pas dur. Bah, mais... il faut choisir lequel est top ou lequel est flop en fonction de ta question. Voilà, c'est ça. Allez, on commence tout de suite avec lequel est top entre ces extensions de WoW. Oh putain, mais quel connard. WoW Légion. C'est ou Panda. WoW Lich King. Merde. Ah, Lich King, elle. Bah, déjà, je vais laisser répondre celles qui ne s'y connaissent pas du tout. Et après, je répondrai. Entre quoi et quoi? Ouais, entre voilà. WoW Légion et WoW Lich King. Ah, je vais dire deuxième, allez. Moi, je vais dire Légion, comme ça, on fait un petit... Légion pour Maëlys, Lich King pour Renata et pour Nalfein. Alors, je n'ai pas la science infuse sur WoW, mais je pense que Lich King est largement plus top. Merde. Que Légion en termes de critique. Après, c'est sens critique, attention. Eh bien, regardons ça. Ils sont pas logiques là-bas. Regardons ça tout de suite avec les notes de sens critique. Nous avons un 7,6 pour WoW Lich King. Pour WoW Légion, nous avons un 7,8. C'est donc Légion qui remporte ce combat. De le peu. Hasard, je vous dis de le peu, hasard. De le karma, le karma. Elle se la ramène, on va voir. Entre ces livres, je parle des livres, attention. Lequel est flop? Harry Potter à l'école des sorciers ou Bilbo le Hobbit? Je pense que Harry Potter a été moins bien reçu que Bilbo. Harry Potter ou Bilbo, lequel est flop? Je savais pas que ça existait, Bilbo. Moi je vais dire Bilbo. Bilbo moi je dis Harry Potter parce que je suis mon cœur. Lequel est flop, hein? Ah merde. Bilbo. Attends, ça dépend. C'est, oui, non, mais tu parles bien de la version originale. De la version originale. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je pense que Harry Potter est quand même plus flop au niveau des critiques. Mais... Très bien. Pitié qu'il ait pas raison. Regardons ça tout de suite. Bilbo le Hobbit est noté à 7,7. Le livre, hein, on rappelle. Ouais. Alors que Harry Potter à l'école des sorciers, en revanche, est noté à 7,6. C'est donc Harry Potter qui est flop. Yes. Gang. Bisous. À plus. À bientôt. Je me casse. Entre eux, c'est manga. Uh-huh. Lequel est top? Uh-huh. Demon Slayer ou My Hero Academia? Je ne connais absolument le manga, pas. Le manga, il vient de sortir, Demon Slayer. Ouais. Et alors? Bah écoute, moi je vais suivre mon cœur, comme ça je fais un zéro pointé pendant ce tour. Je veux dire, c'est Demon Slayer pour moi. Demon Slayer pour ouais, toi? Clairement. My Hero Academia ou Demon Slayer, Nalfein, est-ce que tu as un choix? Je connais pas, je vais dire Emacha. Emacha. Macha? Emacha? Ah d'accord, My Hero Academia. Emacha. Non mais alors, pour ceux qui suivent pas, tu vois, on connaît pas les abréviations. Ah, ça paraît logique. Un mot, trois mots plutôt. Waouh. Ouais, mais je prends le premier. Demon Slayer. Si c'est le top, hein. Ce qu'il existe depuis oui, longtemps. Oui, c'est le top. De quoi? Il existe depuis plus longtemps que Demon Machin. Bah, du coup, c'est écrit. Pas le premier alors. Et du coup, c'est My Hero Academia, toi aussi. Voilà. Bah, t'as dit d'abord My Hero. Non, il a Demon dit d'abord Slayer Demon Slayer. Ou My Hero Academia. Ok. Heureusement que tu suis, Maëlys. Non, mais c'est midi, non, mais on n'a voilà. pas mangé. Voilà. C'est, tous c'est les deux, ils font My Hero Academia. Et en plus, moi, j'ai des Demon travaux Slayer. À aller faire derrière, là, s'il vous plaît. Oui, parce qu'elle travaille dans le BTP. on regarde tout de suite les notes. Demon Slayer est noté à 7,9. My Hero Academia, 7,5. C'est donc Demon Slayer qui l'emporte. Non. Je suis dégoûtée parce qu'au début, je me suis dit, prends Demon. Et enfin, au cinéma actuellement, il y a un petit film indépendant là qui rafle toutes les récompenses. Ça s'appelle, je sais pas si vous en avez entendu parler, Joker. Yes. Ça a l'air pourri. Un film indépendant, petit, ouais, tellement petit film indépendant, pas très connu derrière. Très dépressif apparemment. Oui d'ailleurs. Oh, ça, les critiques, je ne dis rien dessus. Mais justement, on va faire lequel est flop entre ces films de l'univers Batman. Est-ce que celui qui est flop, c'est le Batman de Tim Burton? Est-ce que c'est le Batman The Dark Knight de Christopher Nolan? Est-ce que c'est Batman Begins? Est-ce que c'est Batman Le Défi? Ou bien est-ce que c'est Joker? Le top? Le flop? Ouais, c'est Le ça Défi. Va, Je pense que Le Défi est largement flop par rapport aux autres. Batman Le Défi qu'on a pu voir dans un JDG d'ailleurs. Mm. J'hésite entre celui-là et le Joker. Hmm. Ah, j'ai un gros doute. tu peux redonner les choix. Batman de Tim Burton, Batman The Dark Knight, Batman Begins, Batman Le Défi ou Le Joker. Attends, Batman Le Défi. Batman Le Défi. Oui, Le Défi. Il me semble que... Je pense que c'est celui-là le flop hein, en vrai. Je pense aussi, ouais. Alors tu on prends a, le on Joker. On a des avis un peu différents là sur le chat. Je regarde un petit peu. C'est le Joker tout court, le tout dernier là. Ouais, c'est le Joker tout ouais. court, celui qui est actuellement au cinéma. Il c'est a déjà trop tôt une... pour qu'il y ait des notes. C'est une note, mais provisoire. Hein. Ouais. Voilà, parce que ça va ouais, évoluer. Non, mais il est pas flop. Jamais de la vie, il est flop. Ou alors. Il a l'air nul. Sens... sens critique très vite. Alors, sens critique n'a aucune logique, il faut le savoir. Voilà. Ouais. Écoute, moi je vais dire Dark Knight alors. The Dark Knight. Ouais, allez. Joker pour Nalfein, c'est bien ça? Non. On va rester sur Batman Begins alors, je vais passer sur Begins. Batman Begins. Il a changé. Donc le premier de la trilogie Batman. Tu restes sur Défi? Ouais. Yes. Ah voilà, du coup Dark Knight pour moi, Défi pour Maëlys et Begins pour Je sais pas si Nalfein. On voit le doute dans mes yeux. Attends. Là, on fait non, tous... On regarde la caméra. Non. Ouais, on voit bien le défi, on voit bien le défi. Le défi, oui. Le doute? Le doute. C'était le doute. Regardons les notes. Allez. Partons du mieux noté. Le Joker, 8,3 actuellement sur Sens Critique. Bon. Note provisoire, on le rappelle. Mais oui, c'était sûr. Passons à la note juste en dessous, Batman The Dark Knight. Non. À 8, c'était sûr aussi. Tout pile. D'accord, mais il reste logique d'un côté. Et sur le chat d'ailleurs, Maëlys, il y en a qui te disent joli tatouage. Merci. Voilà. Sache-le. Je sais pas lequel, mais merci. Juste en... bah, c'est sur l'X que t'as sur le bras, hein, vu que la caméra va que celui-là. Batman de Tim Burton, 7,2. Ex-aequo avec Batman Le Défi, 7,2 également. Ce qui fait que voilà. Batman Begins est effectivement le flop avec 7 tout pile. Et c'est encore voilà. Nalfein qui l'emporte. Et tu m'as mis ça sur la voie en disant qu'ils n'ont aucune logique. C'est fou. Je me suis hein. dit, vas-y. Et il y a Jean-Loup qui est sur le chat aussi qui avait dit Begins. Donc bravo à toi Jean-Loup, si t'avais été là. Non, il est nul. Comme, il est nul, comme, comme Nalfein. Ah, c'est vrai qu'en général, c'est pas le gagnant. C'est vrai, en général. Voilà. Le top ou flop, ça s'arrête ici. N'hésitez pas à rager et à aller augmenter les notes de vos films, moi, je mangas aussi. Et jeux vidéo préférés, et même livres sur Sens Critique, et apporter un petit peu plus de logique dans ces notes qui n'ont aucun sens. Voilà. Mm-hmm. Et on passe tout de suite à notre moment douceur, notre moment voyage. Nous allons au pays des pandas. Non, c'est la Chine en plus, et le pays typhon. Des pandas. Le pays du typhon et de la Coupe du Monde de rugby. Direction le Japon avec l'instant nippon. C'est l'instant nippon dans Culten Geek. L'instant nippon, c'est notre instant douceur et petit quiz. Ouais, voilà, il me semble bien. Bah oui, petit quiz, absolument. Bah, en fait, donc la première partie, ça va être de revenir sur les mots de la semaine dernière. Et la deuxième, merde, c'est, j'ai cherché sur Internet, je l'avais expliqué à Nalfein tout à l'heure, les questions les plus fréquentes, on va dire, concernant un peu la culture au Japon, etc. Et du coup, bah, on va aborder ces différents thèmes rapidement avec des questions. Alors juste, est-ce qu'on peut dire que tu as essayé de filer toutes les réponses à Nalfein ? J'étais en train d'y penser, je me disais, est-ce que je la balance ? J'ai essayé, il n'a pas voulu, il a voulu être j'ai fair play. Voulu, non. Il a voulu être fair play. Ah, ça comme fait quoi, une voilà, bonne personne quand même. Il est insolent, mais fair play. C'est ça, c'est ça, exactement. Bon pied. Du coup, le petit quiz par rapport au truc de la semaine dernière, bah, du coup, ça va être entre vous deux. Moi, je me disais qu'il allait y avoir plus de gens. Trois. Voilà. Ah, peut-être que Nalfein connaît aussi des mots. Non, non, non, mais parce que. Après, s'il connaît, tant mieux, mais il a dit qu'il n'était pas très proche de la culture japonaise, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça. Si j'ai une réponse, je la dirai. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et après, ça se trouve, c'est toi qui vas gagner. Et tu peux c'est tenter pas à dire n'importe quoi, des fois, ça marche. Moi, non, je pense que la deuxième, tu vas l'avoir, Maëlys. Mais bon. Du coup, premier mot, mariage. Shoganai. Kimono. Hein. Shoganai, vraiment là. Voilà, comment me dire que je m'attendais à ça ? Est-ce que tu as une proposition, Nalfein ? Parce que bon. Là, c'est absolument le moment d'aller sur Google Trad. Hein. Tu veux dire mariage en japonais ? Ouais. Oh là là, j'ai aucune idée. Là. Aucune. Bon, bah du coup, profite de pas être avec nous pour aller sur Google Trad. Non, non, non, non, non, c'est il est fair play justement. Du coup, c'est Kekkon. Kekkon. Est-ce ah mais que... oui, mais forcément, le moyen mémotechnique, parce qu'une fois qu'elle l'a épousé, mais Kekkon de l'avoir épousé. Ça sert à rien, tes moyens mémotechniques, tu t'en rappelles pas ? Oui, bah en même temps, oui. Que veut dire Shoganai ? Que veut dire Shiromoku ? Il y a Mogata, Morgata qui vient de nous follow, merci à toi. Merci. Hmm ? T'as dit quoi comme bêtise ? Vas-y, répète ton mot. Shiromoku. Il va beaucoup aux toilettes. Non, c'est pas un truc, un espèce de petit kimono ou une tenue traditionnelle. Ah, peut-être. C'est un truc dans le genre ? Et il faut dire un truc précis. C'est un kimono, une tenue traditionnelle, c'est quoi pour mariage. Le vêtement pour mariage pour de qui la dame. Bah, pour le garçon. Bah non, c'est Maëlys qui l'emporte. C'est le kimono blanc de la mariée. Voilà. Bah, c'était un kimono, j'avais dit. Le dernier, le pantalon traditionnel porté par le marié. Un kimono. Le pas de def. C'était pas ça ? Non. Oh, il me fait des grimaces. Mais non ! Mais le pire, c'est que la dernière fois, tu m'avais dit « Ah, mais c'est comme le pantalon qu'ils portent quand ils font genre Le judo ? Le voilà. Isuke. Je me souviens plus. Isuke, oui. Évidemment. Non. C'est le panda de Nalfein, du coup. Personne ne l'a ? Absolument pas. Bon, oh, bah, mon Dieu. C'est le Akama. Voilà. Ah putain, il y a un personnage d'accord dans WoW qui s'appelle comme ça. Ouais, ouais, j'y ai pensé aussi. Bah, du coup, c'est Maëlys qui gagne. J'étais en train de chercher un mot. Voilà. Du coup, pour le reste, pour les petites questions, c'est quoi le point culminant du Japon ? Attends, il y a Morgata qui nous demande, c'est un jeu de trad, c'est ça ? Effectivement, elle nous demande des mots en japonais. Et nous, que j'avais donné la semaine dernière, je précise. Voilà. C'est pas au hasard. C'est la semaine dernière, j'avais présenté le mariage japonais traditionnel. Et du coup, j'avais donné des mots et j'aurais dit, retenez-les un minimum parce que la semaine prochaine, je vais vous demander. Voilà. Mais plus maintenant, c'est plus de la traduction maintenant. Non, là c'est juste des questions sur la culture. Culture G. Voilà, si vous avez des questions derrière, il n'y a pas de souci. Le point culminant du Japon. Le mont Fuji. C'est bien, c'est bien. Et à 3776 mètres. Tu l'as entendu ? Non, j'ai parlé par-dessus exprès. C'est quoi la bêtise qui a été ? La tour de Pise. Alors c'est en Italie si je ne me trompe pas. Non. Non. Ouais, non. Ouais, voilà. Attends. Ah, voilà, exactement. Sakura, que veut dire Sakura ? C'est une robe, non ? Un truc comme ça. Ah, non, ça, je pensais pas qu'il y avait un souci. Alors, ça, c'est Kazé. Juste, il y a Morgotha qui demande, il vient d'arriver, il n'y a pas eu de cam vers Nalf. Non, il n'est pas avec nous en face cam parce que. Bah, il n'a pas voulu. Et disons que il ne voulait pas prendre l'avion. Il est loin et il comme nous, on n'a pas de quoi. Budget. Et ben, c'est un peu compliqué. Mais non, il n'y a pas eu de cam vers Nalfheim du coup. Et il n'a pas assez internet. Enfin, de si, si, il a débit. La fibre apparemment. Non, il a dit que c'était. Il a dit qu'il y avait des gros soucis. Vas-y, ressors-nous ta phrase avec internet. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec la cam, ça. C'est juste que je risque de, si je pompe trop sur ma connexion, j'ai pas envie de crash en plein milieu de l'émission, voilà. Ce serait triste. Mais ça, c'est un autre problème. Du coup, voilà. Du coup Sakura, ça veut dire fleur de cerisier. Ah, oui. Cerisier, on a simplement. Eu la réponse d'ailleurs sur le chat. Ah, bah... Deux personnes qui ont donné la réponse. Eh bah voilà, bah, deux points vous pour avez eux. Rien gagné. Bah, ils ont rien gagné, mais bravo. Bon, c'est quand même bien, ils gagnent par rapport à l'équipe. Ouais. Le quartier geek de Tokyo, comment s'appelle-t-il? Osaka. Non, non, c'est pas c'est Osaka. Pas lui. Ça, c'est une ville. Ça. Kyoto. Ça, c'est une autre ville. Fukushima. Je me souviens plus. Tu l'avais sorti la dernière fois. Akihabara. Oui. Nagasaki. C'est pas moi, c'est le chat. Bah voilà, bah, ils s'y connaissent plus que l'équipe. Putain, en fait, si je dis rien, je suis sûr que je peux remporter. La couverture chauffante. Oh, il est au Japon, vous savez, c'est sur celle la... que j'ai vendue. Ouais, le plaid. le plaid. C'est vraiment un plaid. C'est... Je te jure, il y a marqué plaid chauffant. Quand tu l'achètes en magasin, il y a marqué plaid. Ah, mais tu parles de l'annonce, d'accord. Mais à la base, au Japon, ça se présente pas comme ça. Genre. C'est autour, genre, ils ont une table, et ils mettent le truc par-dessus, et genre, ils se mettent en dessous en hiver pour se réchauffer. Le tsuki. Non. Le tsuki. Il est en train de lire sur le côté avec. Genre, on le voit pas, mais je vois tes yeux, Rémi. Non, mais là, je dis n'importe quoi, en fait. Ouais. Le futon. Non, ça, c'est non, le. C'est le lit. Ah putain. Enfin, mais dites des bonnes réponses à la mode dans le française. Chat. Je vous plaît, bon, moi je suis l'arrière, je suis complètement. Ça s'appelle le kotatsu. Le kotatsu. Ah bah oui. Ouais, ça s'appelle le kotatsu. Le plus drôle, c'est que j'ai une amie qui m'en parle régulièrement, mais jamais je retiens. Et Nalfheim, tu en avais déjà entendu parler, non? Bien sûr, non. Jamais. Jamais. D'accord. Parce que d'après ta réaction, c'était. Mais moi aussi, j'ai cru, tu vois. Non, j'ai mais cru. J'ai un ami, son pseudo c'est Kotetsu. Ah, mais ça, c'est autre du chose. Du coup, j'ai fait « Ah, mais ça n'a rien à voir. » Alors, c'est qu'est-ce que chose, Kotetsu alors, la signification de prénom, il faut aller voir dans les caractères, mais en soi, ça, que je sache, ça ne veut pas dire un Kotetsu en soi. Alors, la rentrée scolaire au Japon, c'est quand? En avril. Très bien, Maëlys a remporté. Merci les mangas. Voilà, ça sert, hein, ça sert de connaître les mangas. Hein. Voilà. Ouais, mais dans Naruto, ils ne rentrent jamais à l'école aussi, donc... T'as regardé que Naruto, toi? Non, c'est vrai. Oui, et Dragon d'accord. Ball. Moi, ça c'est vient quoi de le White Gals. Day? Pardon? Moi, ça vient de Gals. Mon d'accord. Info. C'est quoi le White Day? C'est le jour blanc. Oui. C'est quand ils font le ménage partout. Non. C'était pas ça? Non. En plus, j'en ai parlé la saison dernière. Mais oui. Et ouais. Non, du coup, je vais le dire, c'est un mois après la Saint-Valentin quand les garçons donnent des cadeaux aux filles pour les remercier des chocolats qu'ils leur ont offerts pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est ça, c'est le ménage. Ceux qui n'en ont pas rendu, eh ben, ils n'auront plus rien. Ils ont un jour pour remercier des cadeaux qu'on leur a offerts le mois dernier? Bah, c'est ça, ouais. Parce que, sympa. Mais entre les couples, hein, entre les couples, je précise. Oui, c'est sûr. Et encore une fois, il y avait la bonne réponse sur le chat. Mais tu vois, genre, ils sont intelligents, genre. Non, voilà. Mais c'est fou à quel alors, point une ils question en savent simple. Tellement plus que nous la semaine alors que nous la semaine dernière tu nous as donné toutes les infos. Ouais. Une question très simple. Le train japonais grande vitesse. C'est le TGV. Oui. J'avoue que j'ai pensé à la même chose. Oui, mais version Japon, genre c'est quoi le nom? C'est le TGV plus. C'est Chuchu. C'est la fusée. Attends, non, je sais, c'est le. Il est en train de regarder. Il va très vite. Le Shinkansen. Oui. C'est pas le Shinkansen? Si, c'est ça. Est-ce que t'as triché? Exactement. T'as triché ou pas? Tu as sois honnête. Où exactement? Bien entendu que j'ai triché. C'est dans le chat. Bien évidemment. Voilà. Je l'ai vu passer au même moment. Et du coup, les deux dernières questions. Qu'est-ce que c'est un pulikula? Je vais lui donner les deux en même temps. Qu'est-ce que c'est un pulikula? Et quel est. Pardon. À mon avis, c'est un gâteau. Ouais, la même chose. Ah ouais, non, vous avez aucune culture japonaise en fait. Genre gars. Baba au rhum, mais pas au rhum, ni au baba. D'accord. Pulikula, donc on ne savait pas. Et comment, c'est quoi le nom d'une auberge traditionnelle japonaise? Une auberge traditionnelle japonaise. Je vous demande. Non, le pulikula, c'est pas ça. Hein. Je vous demande après un autre mot. C'est quoi le nom d'une auberge traditionnelle japonaise? Il y en a une pas loin de Toulouse en plus. Allô. qui propose les mêmes services que les vraies auberges. Le pourri coura, je m'en souviens. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Il a lu sur le. Ouais. C'est une sorte de photomaton. C'est un photomaton, ouais. Ouais, hein. C'est absolument pas sur le chat, c'est pas vrai. C'est fou! Les gens dans le chat, vous êtes trop forts! Et c'est trop fort. Et après, il y a des gens qui sont. Mais moi je suis un peu, oui, mais alors, un peu dépité, attends, là. Eux, ils ont accès à Google. Ah. Et si vous trichez, c'est pas bien. Mais continuez quand même. Et pour l'auberge, alors. Moi j'ai de l'espoir. Me dire qu'ils n'ont pas, triché. Alors pour l'auberge, honnêtement, je pourrais te donner la réponse. Tu là, attends, tu attends qu'il la donne. Ben, elle est déjà donnée. Ah. Du coup, c'est Lyokan, hein. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Tu as juste. Bon, elle est dépitée. On peut finir cet instant nippon. Ouais. Je pense que je vais arrêter les quiz, en fait, ça sert à rien. Mais si, mais quand il y a du monde. Non, mais vous retenez pas les infos que je vous donne, du coup. Attends, ça sert à rien. Déjà, on a du mal à parler français correctement. Ouais. Okay. C'est pas mal, déjà. On m'a pas prévenu qu'il fallait réviser le japonais. Mais... C'est vrai, pardon, non, ma mais fine. T'inquiète. En plus, on apprend l'anglais en même temps. Toi, je t'en veux pas, tu vois. Mais après, l'équipe, j'ai l'impression, ça fait 2 ans que je fais des instants nippons et ils ont rien retenu. Mais non, c'est... Si, Shogunai. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais un mot que j'ai présenté il y a Shogunai. Je sais pas combien de temps, le seul. Shogunai, si vous savez ce que ça veut dire sur le chat, vous l'envoyez dès maintenant. Mais Shogunai, je suis désolé, on l'a retenu et on l'utilise tous les jours. Oui. Moi, je le retiens que depuis une semaine, je précise. Parce que tu l'as répété en boucle 4 ou 5 fois. Ouais, bon. Non, mais c'est vrai, je te moi, félicite, je Rémi. Tu as dit c'est bien. Voilà. On en connaît des choses, mais pas. Ah oui. Non, mais moi j'avais fait un truc là-dessus, sur les mots, genre la maison et tout. Shogunai dans le chat, ils savent pas, par exemple. Tu vois? Mais parce que ça, c'est un truc, genre, c'est une expression. Eh ben, Shogunai. Ouais. C'est un peu genre, on n'y peut rien, tu vois. Alors, voilà, c'est ça. On n'y peut rien. Voilà. Et alors, mort. Mes mots techniques, c'est ça fait chaud au cul. C'est chaud. Ouais. En raccourci, c'est chaud. C'est chaud. Rémi, passe au what the fuck. Bon, Maïlys, tu m'as l'air en forme. Donc, du coup, effectivement. Le what the fuck. Ah merde, c'est à moi. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck. Et on est bien sûr à la bourre sur l'horaire, comme d'habitude, mais ça ne fait rien. On est toujours en direct sur le Twitch et sur certains de nos diffuseurs qu'on ne va pas citer pour éviter de faire des conflits d'intérêts parce qu'on n'aime pas la guerre. Ouais, et je crois qu'ils ne s'aiment pas trop entre eux. Ils ne se connaissent pas, je crois. Ah, bon, mais ça ne fait rien, vous êtes avec nous, vous pouvez réagir, c'est marrant. Et on passe tout de suite à l'instant qui a le moins de sens dans l'émission, c'est le What the fuck de la semaine. J'ai quand même un petit peu d'estime. Bon, je vais faire plein de petits trucs parce qu'on n'a pas le temps. Alors, il y a un robot policier qui a été mis aux États-Unis en place pour remplacer un peu la police et éviter les conflits, bagarres, machin, choses. Ça a fini dans l'eau d'une fontaine. De quoi ? Attends, tu peux répéter, ça allait trop vite. Un robot policier en Amérique qui doit remplacer la police mais qui a fini dans une fontaine. D'accord, il s'est fait bisuter, quoi. Ouais. Et il s'est censé, en appuyant sur un des boutons avec une caméra, il est à 360, etc. Acheter. Il y a un bouton dessus pour appeler la police, être en contact direct. En fait, c'est en contact avec une société privée et quand tu appuies sur le bouton, il te dit « Veuillez dégager, s'il vous plaît ». Bon, c'est pas le mot « dégager », mais c'est ça. C'est exactement ça. Trop bien. Sur c'est le bien chat, la police. Comment ça fout des robots Ah ouais, c'est ouf quand même. Sur le chat, ils disent pas ouf Robocop. Ah non. Je crois qu'il a un nom, je sais plus. Je vous le trouverai, je vous le mettrai sur Facebook. Après, on a Léonard de Vinci qui était très en avance sur son époque puisqu'il avait construit un pont complètement réalisable et qui serait très bien pour maintenant, mais qui s'est pas réalisé. D'accord. Pourquoi? Parce que c'était un peu fou pour l'époque. C'était il y a 500 ans. Oui, en même temps, Léonard le gars de Vinci, il s'est dit oui. Non. Non. Ben, franchement, les gars. On a une image pour ça Alors, comme elle m'a pas envoyé d'image, j'ai pas d'image à vous montrer. J'envoie jamais d'image. Voilà. Parce que nos émissions sont toujours très bien préparées. Voilà. Et je suis très. Après, est-ce que c'est j'écoute pas ça qui est bien les consignes. Et on est spontané. Ouais. Spontané. Spontané. Tu vois, même toi, avec le français, t'as du mal. Tu veux nous faire retenir des mots japonais. Et alors? Mais la. Attends, de base, elle a une autre langue. Elle a le français aussi, elle a l'anglais aussi, elle a le japonais. Excuse, ça va y aller. Non, non, mais écoute, ça va être très simple. Si tu veux, tu arrêtes le moment Japon, hein, c'est pas grave. Bah non, il y a des fans de yaoi qui nous écoutent. Il faut qu'ils aient leur moment. Excusez-moi, c'est mon moment pas... à moi. Hein. Alors attends, oui. Moi je parle pas de yaoi hein, dans mon truc. Non, mais t'inquiète, on se comprend. Elle prend la parole. Alors. J'ai aussi une star qui a été retrouvée, son adresse précise a été retrouvée grâce à la photo, un selfie d'elle-même. et en zoomant sur son œil. En gros, elle s'est fait agresser du coup. Attends, comment il a fait ? Alors, il a retrouvé, en fait, en zoomant sur son œil, on voyait des bâtiments. Et en reconnaissant les bâtiments, il a su où elle habitait. Il a sioté, c'est depuis cette fenêtre, et hop, il a attendu en bas de chez elle. Incroyable. C'était arrivé à une autre star, mais et encore une autre star. Les psychopathes, ils sont trop forts. Il y en a qui ont fini dans le coma comme star. Voilà, donc tu... Japonais, hein. Nalfein, fais gaffe si jamais tu fais des face cam un jour. Ferme les volets. Ouais. Mais je le ferai face à une forêt. C'est pour avoir dans mes yeux où je suis. Attention, ça se trouve, ils vont reconnaître les arbres. Incroyable. C'est les conifères qu'on ne trouve que dans une certaine partie de la France. Petite mauvaise nouvelle, c'est pas pour demain qu'on va migrer vers une autre planète. Ah merde. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé, mais il fallait que je le dise, il était devant moi. D'accord, très bien, vas-y, ok. Et entre guillemets, coup de cœur, pas vraiment what the fuck, mais un petit peu quand même, des livres d'occasion qui ont été achetés par des personnes et qui, en les ouvrant, ont découvert des choses, du style de la drogue ou alors des canettes écrasées, qu'est-ce qu'il y a eu, des billets. Un message d'un précédent propriétaire disant « J'ai gagné 100$ grâce à un ticket qui avait été oublié à l'intérieur, voici ta part. » Et il y avait 20$ dedans. Des lézards écrasés, des trucs comme ça. C'est vachement cool. D'accord. Sur high-tech, on peut le trouver. Sympa. Ouais, non, c'est une véritable mine d'or en livre. Ça me donne envie d'en acheter d'autres. Exactement. Ah, ouais. D'un coup, j'ai envie de faire tous les vide-greniers de la région. Et tu les ouvres dans le magasin. T'auras pas de chance, hein, je te le dis. Eh ben écoutez, merci beaucoup, Maïlys. Il y a tu me fous même... Oui, je te vous vois. Ça y est, il commence à être 13h, le ventre crie famine. Ouais. Merci Nalfein de nous avoir accompagnés durant toute cette émission. Ça merci. Fait un peu plus d'une heure. Je t'en prie, c'était avec grand plaisir. Vous le savez, Nalfein, il fait Pourquoi jouer 3 petits points. Et moi, je me suis dit, tiens, ce serait marrant, à la fin de l'émission, on fait un Pourquoi écouter 3 petits points sur Cult & Geek et où il donne 5 raisons d'écouter Cult & Geek. T'as vraiment trouvé l'inspi pour ça? Oui, j'espère qu'il a trouvé l'inspi. On verra. Alors. Le jingle, étant donné qu'on n'a pas eu le temps de le faire bien correctement, etc., on ne pourra pas le faire au niveau où Nalfein le fait, je vais le faire à la bouche, donc ça donne à peu près. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous foutre de ma gueule après. C'est pourquoi jouer, non, pourquoi écouter, trois petits points, pourquoi écouter, trois petits points. La série qu'elle est bien, quand c'est trop bien. Je me suis dit. Quand c'est bien, quand c'est trop bien. Ah ouais! Excellent. Qu'est-ce que je fais? J'énonce les 5 raisons. Vas-y, tu peux y aller. Allez, alors. pourquoi écouter Cult & Geek ou Cult & Geek? Cult & Geek. Cult & Geek. Alors, numéro 1, ils m'ont invité. Ça fait un point et ils ont été extrêmement sympathiques. C'est déjà une raison de les écouter. Numéro 2, Cult & Geek à l'envers, ça fait Geek & Kluk. Alors, ça n'a aucun intérêt, mais ça ressemble au nom d'un meuble suédois, donc ça me fait marrer. Donc, c'est une raison de les écouter. Numéro 3, c'est la seule émission de radio parlant de la culture geek à ma connaissance. Si c'est faux, c'est que je suis un putain d'inculte. Si c'est vrai, c'est une raison de les écouter. Numéro 4, Cult & Geek, 3 syllabes, 3 pieds. Pourquoi je parle de pieds? Parce que trop bons les pieds, ça c'est pour le clin d'œil à ma communauté que j'aime, et c'est une bonne raison de les écouter, et en effet, ça n'a aucun putain de sens. Numéro 5, je vous conseille d'écouter Cult & Geek. C'est une très bonne raison d'écouter Cult & Geek. Merci Nalfein pour avoir fait ce top 5 des raisons d'écouter Cult & Geek. C'est pas pareil, tu sais, là on le vit vraiment le pourquoi écouter, c'est trop bien. C'est un truc très très proche en plus. En plus, ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous, c'était très gentil de m'inviter. Voilà, Nalfein, on partagera bien sûr tous les liens pour que vous puissiez le retrouver et le follow. Bon, par contre, pas dans la vraie vie, hein. Ça c'est un peu chelou. Mais voilà, non, sur internet. Nalfein, on te souhaite bien du courage pour tous les montages et pour tous tes projets. Et puis, merci. Et puis à bientôt, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Avec grand plaisir, à très bientôt à tous. À bientôt. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver également sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Tipeee, Discord. On remercie aussi nos diffuseurs Radio No Life, Bad Geek, La Vigie Radio, Spotify, iTunes, Podcloud, Playgeek et Geek & Mic. On se retrouve samedi prochain, 11h30, midi et demi, pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Bon appétit.